L'éveil du cœur. Une dernière lamentation des cloches dans la haute tour carrée du clocher, un dernier gémissement de l'orgue à travers la grande nef de l'église, puis les rumeurs plaintives du Dies Irae et du De Profundis s'étaient éteintes sous les voûtes peintes en bleu cru, sur les dalles disjointes, en partie composées d'anciennes pierres tombales, aux inscriptions et aux ornements à moitié effacés. Le tapage des sabots et des chaussures ferrées diminua, décrut, cessa tout à fait. Et Anne Guisnou, toujours en prière, demeura seule, agenouillée sur sa chaise habituelle, un peu en avant des bancs de bois polis et usés par des générations de fidèles. Taoliu armaros os coet. Les coups de la mort ont frappé, murmurèrent les lèvres de la jeune fille, frissonnant au suprême volet du glas. Puis, elle releva la tête d'un délicat mouvement d'oiseau qui vient d'échapper à un grand péril. « Merci, Seigneur, de l'avoir tiré vivant du danger. » Encore voilée de crainte, baignée d'une reconnaissance infinie, ses yeux se fixèrent sur la merveilleuse croix d'argent processionnelle, montrant le Christ entre des clochettes d'argent, derrière lequel s'étendait surmonté du dé carré à toit plat, porté par de minces colonnettes, des grandes cérémonies, le long catafalque noir étreint de la croix blanche et simulant le drap mortuaire avec son entourage de cierges à écussons semés de têtes de mort, de tibias croisés et de larmes dont la sinistre armature emplissait dans la nef principale le centre même du cœur en face de l'autel et détachait sa lugubre silhouette bien en lumière derrière la boiserie à jour ornementée de pampres et de raisins, à l'arcade fleuronnée. Elle soupira. Pauvres gens, ils n'ont pas eu le même bonheur. Elle songeait aux 5 malheureux matelots qui avaient péri dans le combat contre le vaisseau anglais et pour lesquels on venait de célébrer ce service funèbre dans l'église de Plougasnou. C'étaient les deux gendres de Pierre-Marie Guisnou, Thomas Lazenec et Antoine Boédec, qui, se trouvant par hasard à la pêche dans les parages des Roches Jaunes et de la pointe Analouestin, à l'entrée de la rivière de Morlaix, avaient les premiers vu revenir le cutter, suivi par le trois-mâts, sa misaine en bas, portant frappé au grand mât au-dessus des couleurs anglaises abattues, le victorieux pavillon tricolore. Apporté par eux à Plougasnou, la nouvelle du triomphe de Torre Pen s'était immédiatement répandue par tout le pays. Dans la première ivresse, on avait d'abord songé qu'à se féliciter, qu'à essayer de calculer le gain tiré de cette prise par ceux qui avaient eu le courage de prendre du service à bord du Penbaz. Ce ne fut que cette émotion joyeuse calmée et les détails du combat connus qu'on pensa aux victimes. Bien que la lutte n'eût pas été longue et que la résistance n'eût pas été grande, les deux coups de canon tirés presque à bout portant par le trois-mâts au moment où l'abordage allait se produire, avait fait plus de mal aux Français que la salve de mousqueterie des soldats. Si les Anglais avaient eu tant tué que blessé, 30 hommes mis hors de combat, le cutter comptait 10 victimes sur les 56 hommes qui le montaient, 5 tués et autant de blessés, sans énumérer les blessures légères, estafilades, contusions et autres vétilles qui n'avaient pas empêché ceux qui les avaient reçus de reprendre leur service après un pansement et un repos de quelques jours. Sur les 5 morts, 3, un cornouaillais, 2 morbihanais appartenant à l'ancien équipage, mais il y avait également 2 des nouveaux enrôlés, un de Plougasnou, l'autre de Landemeur. C'était pour ces 5 Français tombés au champ d'honneur que Baptiste Clerc, le recteur de Plougasnou, venait de célébrer une messe. Les inhumations, selon la coutume, ayant eu lieu en mer, il n'y avait eu aucune cérémonie au cimetière, et Anne Guisnou évoquait en vain en sa pensée la vieille chanson qui ne pouvait s'appliquer à aucun d'eux. Dwed bardono an anan, man hir horf paur, war ar varskaonv. Que Dieu pardonne à son âme, son pauvre corps est sur les tréteaux funèbres. Il ne s'y trouvait pas, et la mer était la tombe de ces héroïques pêcheurs et marins. Maintenant, la foule des assistants, en tête desquels se trouvaient Thor Heppen et son équipage, se répandait à travers le bourg. De tous côtés, l'on commentait les événements qui venaient de se passer. L'arrivée presque fantastique de ce jeune corsaire inconnu que la victoire favorisait ainsi dès le début semblait avoir secoué l'engourdissement un peu monotone et la tristesse dans lesquelles vivaient les habitants depuis les mauvaises nouvelles et frappait vivement les imaginations. À ces âmes simples et primitives, il apparaissait un peu en personnage hors nature qui n'avait qu'à se montrer pour vaincre et qu'une atmosphère mystérieuse de légende devait envelopper. C'était à qui ferait son éloge. Par les nouveaux enrôlés du cutter enthousiasmés de leur chef, on apprenait à le connaître. En ces quelques jours, il était devenu le héros, la gloire du pays. Surtout Poulzic et Kergustel ne tarissaient plus quand ils parlaient de lui. Les quelques compliments que le jeune capitaine leur avait adressés après le combat en avaient fait des fanatiques du corsaire. Ils ne voyaient plus, ne juraient plus que par lui, et étaient désormais décidés à ne plus le quitter. Il est vrai que la capture du City of Plymouth était de nature à leur faire envisager l'avenir sous les couleurs les plus séduisantes. Tandis que Torhae Penn, accompagné de Lantoc, de Postec, de Kéribin et de Tanguy, avec un certain nombre de ses hommes, avait dû, presque au sortir de l'église, regagner le château de Tromelin et le cutter au fond de l'anse de Primel, le reste de l'équipage se dispersait à travers les débits et les cabarets du bourg, mettant à profit les loisirs qui lui étaient faits avant de se lancer dans de nouvelles expéditions et s'amusait avec la turbulence et l'insouciance habituelles aux marins embordés à terre. Dans un cabaret voisin de la maréchalerie de l'Escoff, Poulzic et Kergustel avaient réuni autour d'eux leurs amis. Pierre-Marie Guisnoux, ses fils, ses gendres, ainsi que les gardes-côtes Guyadère, Carn, Morvan et Barzic, pour fêter leur premier succès et commencer à dépenser gaiement l'argent de leur part de prise. Au bout de quelques instants, on menait grand tapage autour des tables couvertes de verres, de pichets, de brocs, et tout Plougasnou grondait d'une rumeur de fête qui faisait contraste avec la messe funéraire venant à peine de se terminer. « Il n'y en a pas comme ce Torhae Penn, c'est le roi des matelots, l'empereur des corsaires, un chef à suivre comme Napoléon au bout du monde s'il vous le commandait, » s'exclamait Kergustel. « J'augurais bien de son bateau, moi, » opina Guyadère, hochant son nez en bec d'oiseau de mer. Un fin coureur, étroit de museau, devant tenir la lame comme pas un, malgré sa voilure qu'en est le danger. Des ailes d'albatros pour un corps de sardine, quoi. Ha ha, si vous l'aviez vu tomber sur l'anglais, fit Poulzic la voix gonflée d'admiration. Un épervier sur une alouette, plouf! Oui, oui, objecta Kergustel, sauf que l'alouette était de taille, et avait bec et ongles, ô diable! Mais elle était si grasse aussi, qu'on pouvait bien lui pardonner sa défense. Le fait est que, pour vos débuts, vous v'là quasi riche et que vous avez eu chacun une fameuse part, observa Alain, l'aîné des Guisnoux, tout affriandé de les voir ainsi dépenser sans compter et dont les yeux flambaient, peu à peu allumés d'une secrète convoitise. Il semblait éprouver quelques regrets de n'avoir pas imité Poulzic et Kergustel, de n'avoir pas quitté la barque paternelle aux produits si aléatoires pour faire la course à leur exemple et, se penchant vers ses deux frères, Hervé et Yves, il échangea avec eux quelques mots à voix basse, tandis qu'on ne s'occupait pas d'eux. Pierre-Marie Guisnoux se fit donner des explications sur la manière dont le combat avait eu lieu et sur ce qui s'était passé à Morlaix quand on avait vu l'arrivée des vainqueurs. « Un triomphe !» reprenait Poulzic. « On n'en revenait pas de voir ce méchant petit cotre traînant derrière lui ce grand diable de trois mâts. Quant à Torhae Penn, à cette heure, comme l'a justement dit Kergustel, le v'là corni coup sur coup, le Napoléon des corsaires, que même Morlaix serait fier d'être sa ville de naissance, termina Poulzic. Tout souriant, s'enflammant peu à peu, Pierre-Marie Guisnoux avait écouté. Il s'exclama. « Tiens, voyez-vous ça? Eh bien, et nous alors? Bien plutôt de chez nous qu'il serait le hardiga, vu que c'est nous de Plougasnou qui l'avons reçu, accueilli, fêté, alors que personne encore ne savait qui il était et ce qu'il valait. Ah, mais on ne nous le prendra pas. Nous sommes là, mes fils et moi. Sans compter que c'est ta fille, ma propre nièce, notre petite reine en sabots qui a servi de marraine à son cutter. Hein? Le Penbaz, c'est quasi le bateau des Guisnoux à ce jour. Et Guyader se rengorgeait, ajoutant « Quand je pense que c'est moi qui, le premier, avant tous, ai aperçu sa grande coquine de voile longeant la pointe de Primel en cette fameuse nuit de mystère de son arrivée, et qu'en même temps, à croire qu'un sort les dirigeait l'un vers l'autre, les sabots de notre âne faisaient leur clic-clac dans les roches. » Il se mit à rire. Thor Hepen est reine en sabots, l'empereur des corsaires et âne Guisnou. Hé hé, la marraine et le patron du filleul, ça serait peut-être pas des idées si bêtes, et ça ferait un joli couple. T'es pas fou, vieux Guillaume ? S'exclama Pierre-Marie, un moment interloqué des paroles de son beau-frère. Il y a plus fou que moi, peut-être, répliqua Guyader. Moi, c'est mon idée, que veux-tu ? Comme celle de mes neveux Astur et de faire leur devoir de bons Français, de braves Bretons, que tout le pays va les admirer. Et si c'était ma fille, la petite Anne, eh bien, je serais fameusement fière d'un gendre comme Thor Hepen. » Le pêcheur se gratta un instant la tête, les lèvres plissées en mourillantes, intérieurement flatté à cette pensée. Puis, haussant les épaules, « En fait, d'époux, tu le sais bien, elle ne connaît que le bon Dieu. Croire qu'elle peut songer au mariage, Anne, notre petite duchesse Anne. L'autre, la grande duchesse, l'a bien fait, et est devenue reine. Pourquoi ne l'imiterait-elle pas ? C'est alors, avec un mari pareil, un vrai roi aussi, qu'elle deviendrait pour de bon notre reine en sabots, » conclut Guyader. À propos, où est-elle ? Qu'est-elle devenue ? Questionna Alain, cherchant à travers la place et le cimetière. « Je ne la vois nulle part. »« Bon, elle était à côté de moi au service des pauvres Gapéry, » observa Françoise. « Elle sera retournée à la maison. »« À sa maison, veux-tu dire, femme ?»« Oui, à l'église, » ajouta Pierre-Marie. Et se tournant vers Guyader, « Veux-tu parier, toi, qu'elle est encore là-bas ? Hein, ton idée, ta fameuse idée ?»« Ma foi, » répondit le garde-côte, « je veux en avoir le cœur net. » Tous deux, riant, causant, se dirigèrent vers l'église. C'était surtout aux heures où personne ne s'y trouvait qu'Anne Guisnou préférait venir prier, se recueillir dans l'église de Plougasnou, comme si cet isolement fût plus conforme à ses goûts, plus favorable aussi à l'examen de ses pensées. Avec ses piliers romans trapus, ses murs simplement blanchis à la chaux, sa nudité humble, ses boiseries grossières et vénérables, elle lui plaisait principalement dans ses instants de solitude, alors qu'elle pouvait s'abandonner tout entière au délicieux frisson qui l'enveloppait peu à peu dans la demi-obscurité. La messe funéraire terminée, le silence revenu, les échos lointains de la gaieté bruyante de Plougasnou ne pénétrant pas dans l'église retombée à son isolement, Anne Guisnou, avec une sensation de joie intérieure, retrouva l'asile qu'elle chérissait entre tous et essaya de s'absorber dans un de ses rêves pieux d'autrefois. Ce fut en vain. Entre l'autel et elle, entre le ciel et sa pensée, une ombre se dressa, obsédante, impérieuse et délicieuse, et ses lèvres murmurèrent presque sans qu'elle en eût conscience « Merci, Seigneur, de l'avoir tirée vivant du danger. » Depuis quelque temps déjà, elle s'effrayait de sentir que tout ce qui lui avait plu autrefois, au point de lui rendre tout le reste presque indifférent, ne lui plaisait plus aussi exclusivement ou l'attirait moins. Jamais elle ne s'en était rendue compte comme en ce moment où tant d'émotions venaient de l'assaillir. Elle alla se réfugier dans la petite chapelle de la Trinité où dort l'enfeu seigneurial des Kermabon, sous une quintuple arcature en accolade fleuronnée. D'habitude, c'était son sanctuaire préféré. Elle s'y abîmait en face du petit autel dans l'éperdue contemplation de la statuette assise sur ce siège renaissance aux cariatides féminines qu'elle avait admiré et aimé depuis sa toute petite enfance, qui avait été son merveilleux joujou de fillette, un jouet auquel elle ne pouvait toucher et qui était devenu sa sainte image de prédilection. Elle s'agenouilla sur une chaise, joignit les mains, regarda la chère statuette, cherchant à s'absorber en elle. Ce qui pesa sur elle, ce fut l'enveloppe entière de cette chapelle qui était comme le reliquaire de la féodalité d'autrefois, le sanctuaire de la chevalerie disparue. Sans qu'elle se l'expliquât, sa religion se transformait, de divine devenait légendaire et seigneuriale, l'arrachant du ciel pour la rapprocher peu à peu de la terre, dans ce milieu intermédiaire de la vision et de la légende. devant ses yeux maintenant avec une netteté extraordinaire, entre la Trinité qu'elle ne distinguait plus et ses prunelles hallucinées, l'image mystérieuse d'un chevalier couvert de la tête aux pieds d'une de ses armures étincelantes, comme en porte l'archange Saint-Michel ou Saint-Georges, la visière baissée masquant ses traits, flamboyait au sein d'une auréole lumineuse. Pourquoi cette apparition ? C'était une transition entre le ciel et la terre, le passage du rêve à une presque réalité qui, l'arrachant au ciel, la rapprochait déjà plus de la vie de chaque jour. Et ses pensées coururent, ramenant les souvenirs des derniers jours écoulés. Elle songea aux cierges qu'elle était allée faire brûler à Saint-Jean-du-Doigt. Elle songea aux émotions successives qui l'avaient bouleversée depuis la première apparition du jeune corsaire à Plougasnou. Elle songea à toutes les réflexions qui avaient traversé son cerveau depuis qu'on avait appris la première victoire du Penbaz. Et ce qui se dessina tandis que l'éblouissante vision du chevalier en armure s'effaçait, ce furent les traits bien nets de cet énigmatique Thor Hepen, dont le souvenir ne la quittait plus, dont les paroles demeuraient en elle comme des traits de feu, et qui éveillait chez elle des idées nouvelles et des troubles inconnus. « Hein, quand je te l'avais dit, la vois-tu en extase devant sa trinité ?» Pierre-Marie Guisnou, suivi de Guyader, après avoir d'abord cherché sa fille à travers l'église, venait de la découvrir plongée dans sa contemplation devant l'autel de la chapelle de Kéricuf. Il triomphait, la montrant à son beau-frère, et tous deux, à quelques pas de l'entrée de la chapelle, regardaient attendris et émus l'absorption profonde dans laquelle était plongée Anne, qui ne les voyait pas. « Eh bien, tout de même dommage que je n'ai pas raison, » décida Guyader. « Reine en sabots et Thor Hepen, c'était si gentil. » Il s'éloignait sans bruit, afin de ne pas troubler la petite dans son extase, sans savoir qu'à cette minute même, sa piété se transformait en un sentiment plus tendre et que l'aveu s'en échappait de ses lèvres. « je l'aime !» se répétait Anne Guisnou avec une sensation de joie mêlée d'un peu d'effroi, comme si elle eût à cet instant seulement compris l'éveil de son cœur.